بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et clairement exposés. Il provient d'un sage parfaitement connaisseur. Il enseigne à n'adorer que Dieu. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur et tournez-vous vers lui. Il vous accordera une belle situation jusqu'à un terme fixé. Il accorde sa grâce à tous ceux qui la méritent. Mais si vous vous détournez, alors je crains pour vous la rétribution d'un terrible jour. C'est vers Dieu que vous serez ramenés et il est tout-puissant. إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, Dieu sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils révèlent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance ne dépend de Dieu. Il sait où elle s'abrite pour se reposer et où elle gît après sa mort. Tout est consigné dans un livre explicite. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver qui de vous agira pour le mieux. Pourtant, si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, Ceux qui ne croient pas répondront sûrement « Ce n'est là qu'une magie évidente. » Si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront sûrement « Qu'est-ce qui le retient ?» Mais le jour où le châtiment les frappera, il ne sera point détourné d'eux, et ce dont ils se moquaient les cernera de partout. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ Si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui retirons, le voilà désespéré et ingrat. Si nous lui faisons goûter une grâce, après qu'un malheur l'ait touché, il dit « Les malheurs se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte, plein d'arrogance. Sauf ceux qui patientent, persévèrent et qui accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront le pardon et une récompense énorme. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ton cœur s'en sente comprimé, car ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre de trésors sur lui ou envoyé un ange avec lui ? Tu n'es qu'un avertisseur, Dieu est le protecteur de toutes choses. » قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ou alors ils disent, il l'a forgé, le Coran, dit Apportez donc 10 sourates semblables à celle-ci que vous aurez vous-même forgées et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Dieu, si vous êtes véridiques. S'ils ne répondent pas, sachez alors que c'est par la science de Dieu qu'il est révélé et qu'il n'y a d'autre divinité que lui. Serez-vous donc soumis ? Man كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Ceux qui veulent la vie d'ici-bas et ses splendeurs, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre. Sans que rien ne leur en soit diminué. 16. Ceux-là, dans l'au-delà, n'auront rien d'autre que le feu. Ce qu'ils réalisent sur terre ne leur apportera rien, et les actions qu'ils accomplissent sont vaines. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Est-ce que ceux qui se fondent sur une preuve claire de leur Seigneur, le Coran, récité par un témoin, Gabriel, de sa part, et précédé par le livre de Moïse, envoyé comme guide et miséricorde, sont meilleurs, ou bien est-ce ceux qui ne se fondent sur aucune preuve valable? Ceux-là croient au Coran, et quiconque n'y croit pas, parmi les clans, aura le feu comme rendez-vous, alors ne sois pas dans le doute à son sujet. Certes, il s'agit de la vérité de la part de ton Seigneur. Mais la plupart des gens n'y croient pas. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Quel pire injuste que celui qui forge un mensonge au sujet de Dieu. Ceux-là seront amenés devant leur Seigneur. Et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti au sujet de leur Seigneur. La malédiction de Dieu frappe les injustes. Qui bloquent l'accès au sentier de Dieu, cherchent à le rendre tortueux et ne croient pas en l'au-delà. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Ceux-là ne peuvent se sauver sur terre. Ils n'ont en dehors de Dieu aucun protecteur. Et le châtiment leur sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre et ils ne voyaient pas non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leur âme et les idoles qu'ils inventaient les ont abandonnées. Assurément, ce sont eux qui, dans l'au-delà, seront les plus grands perdants. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Certes, ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur seront les habitants du jardin où ils demeureront éternellement. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Les deux groupes ressemblent, l'un à celui qui est aveugle et sourd, et l'autre à celui qui voit et entend. Les deux sont-ils comparativement égaux? N'est-ce pas là un rappel suffisant pour vous? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Nous avons envoyé Noé à son peuple, je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez que Dieu. Certes, je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas dire alors, « Nous ne voyons en toi qu'un mortel comme nous », et nous voyons que ce sont seulement les plus misérables d'entre nous qui te suivent sans réfléchir. Nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون Noé dit, ô mon peuple, dites-moi, si je détiens une preuve claire venant de mon Seigneur, et qu'il me soit venu de sa part une miséricorde, qui ait été rendue invisible à vos yeux, pouvons-nous vous forcer à l'accepter ? Alors que vous la tenez en aversion. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu, et je ne repousserai point ceux qui croient. Ils auront certes à rencontrer leur Seigneur, mais je trouve que vous êtes un peuple ignorant. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Ô mon peuple, qui me secourra contre Dieu si je les repousse? Ne vous souvenez-vous donc pas? Je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu ou que je connais l'invisible. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne dis pas non plus à ces gens que vos yeux méprisent, que Dieu ne leur accordera aucune faveur, car Dieu connaît mieux ce qu'il y a dans leur âme. Je serai alors certainement du nombre des injustes. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء Ils dirent, ô Noé, tu as disputé avec nous et as multiplié les controverses. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, seul Dieu vous l'apportera s'il le veut, et vous ne pourrez d'aucune manière y échapper. Mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller. Si Dieu décide de vous maintenir égaré, il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou encore ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi. Mais je me proclame innocent de vos crimes. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Il fut révélé à Noé, de ton peuple, personne d'autre ne croira à part ceux qui croient déjà. Ne t'afflige pas de ce qu'ils font. Construis l'arche sous nos yeux conformément à notre révélation, et ne t'adresse plus à moi au sujet des injustes, car ils vont être noyés. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Noé construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Il dit, « Si vous vous moquez de nous, nous nous moquons certes de vous, de la même manière que vous le faites. Vous saurez bientôt qui sera frappé par un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. » Puis, lorsque vint notre commandement et que du four l'eau se mit à jaillir, nous dîmes, fais monter dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, à l'exception de ceux contre qui le décret a déjà été prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui croyaient avec lui étaient peu nombreux. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Il dit: Montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom de Dieu. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. L'arche vogua en les emportant au milieu des vagues, comme des montagnes. Noé appela son fils, qui était resté au loin. « Ô mon fils, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Mais il répondit, « Je vais me réfugier sur un mont qui me protégera de l'eau. » Noé lui dit, « Il n'y a point de protecteur aujourd'hui contre l'ordre de Dieu. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Les vagues s'interposèrent entre eux, et le fils fut alors du nombre des noyés. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Puis il fut dit: Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'opposa sur le mont Judi. Il fut alors dit, que disparaissent les injustes. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Noé invoqua son Seigneur et dit: Mon Seigneur, certes mon fils fait partie de ma famille, ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. Dieu dit: Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car sa conduite est mauvaise. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit: Mon Seigneur, je cherche à me prémunir auprès de toi de te demander ce dont je n'ai aucune connaissance. À moins que tu ne me pardonnes et me fasses miséricorde, je serai du nombre des perdants. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر Il fut dit, ô Noé, débarque, notre paix et nos bénédictions sont sur toi et sur les communautés de ceux qui sont avec toi. Il n'y aura d'autres communautés que nous laisserons jouir de la vie pendant un certain temps avant de leur envoyer un douloureux châtiment. Voilà quelques nouvelles de l'invisible que nous te révélons. Ni toi ni ton peuple ne les connaissiez avant cela. Alors sois patient, car la fin heureuse appartient aux pieux. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ Ô Had, nous avons envoyé leur frère Oud, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez point d'autre divinité en dehors de lui. Certes, vous ne faites que forger des mensonges. » Ô mon peuple, je ne vous demande aucune récompense pour cela. Ma récompense n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne comprenez-vous donc pas ? Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et rajoutera de la force à votre force. Ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ils répondirent, ô Houd, tu ne nous as apporté aucune preuve claire et nous n'abandonnerons pas nos divinités sur ta parole. Nous n'avons pas foi en toi. Nous ne dirons rien, sinon qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, je prends Dieu à témoin. Et soyez témoins vous aussi, qu'en vérité, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu en dehors de lui. Alors complotez tous contre moi et ne me laissez aucun répit. Je place ma confiance en Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par le toupet. Mon Seigneur est certes sur un droit chemin. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Si vous vous détournez, je vous aurai quand même transmis le message qu'on m'a chargé de vous faire parvenir, et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple. Vous ne pouvez lui nuire d'aucune façon, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toutes choses. Puis quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part, Houd et ceux qui croyaient avec lui. Nous les sauvâmes d'un sévère châtiment. جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Voilà les Had, ils rejetèrent les signes de leur Seigneur, désobéirent à ses messagers et suivirent les ordres de tout tyran obstiné. Ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction comme au jour de la résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Had, peuple de Houd. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Nous avons envoyé au Thamoud leur frère Salih, qui dit « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé et vous y a installé pour la peupler. Implorez donc son pardon et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est tout proche et il répond toujours à vos invocations. » Ils répondirent « Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous demandes-tu de ne plus adorer ce qu'adoraient nos ancêtres ? Ce à quoi tu nous appelles nous jette, certes, dans un doute plein d'inquiétude. فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام Il dit, ô mon peuple, dites-moi, si je m'appuie sur une preuve claire émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé une miséricorde, qui donc me protégera de lui si je lui désobéis? Vous ne feriez qu'accroître ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle de Dieu qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment imminent vous saisira. Ils la tuèrent. Alors il leur dit, jouissez de la vie dans vos demeures durant 3 jours encore. Voilà une menace qui ne sera pas démentie. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Puis, quand vint notre ordre, par une miséricorde de notre part, nous sauvâmes de l'humiliation de ce jour-là Salih et ceux qui croyaient avec lui. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Le cri saisit alors les injustes et le matin les trouva foudroyés dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. En vérité, les Samouds n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Samouds. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Nos messagers vinrent à Abraham avec une bonne nouvelle. Ils dirent « Paix » et il répondit « et ne tarda pas à porter un veau rôti. Lorsqu'il vit qu'ils ne tendaient pas leurs mains vers le veau, il se méfia d'eux et ressentit de la crainte vis-à-vis d'eux. Ils dirent, ne crains rien, nous sommes envoyés au peuple de Lot. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Sa femme était debout, elle se mit à rire. Nous lui annonçâmes alors la bonne nouvelle d'Isaac, puis de Jacob. Elle dit, pauvre de moi, vais-je donner naissance à un enfant alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent, t'étonnes-tu de l'ordre de Dieu? Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Lorsque la crainte eut quitté Abraham et qu'il prit conscience de cette bonne nouvelle, il plaida en faveur du peuple de Lot. Abraham était certes indulgent, très implorant et repentant. Ô Abraham, renonce à cela. Certes, l'ordre de ton Seigneur a déjà été prononcé et un châtiment irrévocable va les atteindre. إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Quand nos messagers vinrent à Lot, il fut chagriné pour son peuple et se sentit impuissant à les protéger. Il dit: voici un jour affligeant. Son peuple a couru à lui. Auparavant, il commettait des abominations. Et il leur dit: ô mon peuple, voici mes filles. Elles sont plus pures pour vous. Craignez Dieu, donc, et ne me déshonorez pas devant mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un seul homme digne de raison? Ils dirent: tu sais très bien que nous n'avons aucunement besoin de tes filles. En vérité, tu sais bien ce que nous voulons. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Il répondit: si seulement j'avais la force de vous résister, ou si je trouvais un appui solide. Alors les anges dirent: ô Lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Alors pars avec ta famille à un moment de la nuit, et qu'aucun d'entre vous ne se retourne, sauf ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble. et fîmes pleuvoir sur elles des pierres d'argile en succession ininterrompue. Chaque pierre portant une marque connue de ton Seigneur. Ces pierres ne sont jamais très loin des injustes. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن Vers Médian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib qui dit « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez aucune autre divinité à part lui. Ne diminuez pas les mesures et le poids. Certes, je vous vois dans l'aisance et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Ô mon peuple, donnez le bon poids et la bonne mesure en toute justice. Ne lésez pas les gens dans leurs biens et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès de Dieu est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Je ne suis pas un gardien pour vous. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Ils dirent, ô Shu'aib, ta prière t'ordonne-t-elle de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de faire en sorte que nous ne disposions plus de nos propres biens comme bon nous semble? Tu es vraiment l'indulgent est celui qui guide les uns vers la droiture, toi. Il dit, ô mon peuple, dites-moi, si je m'appuie sur une preuve claire émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue d'excellents moyens de subsistance, comment puis-je vous accorder quelque droit que ce soit? Je ne souhaite nullement faire derrière votre dos ce que je vous demande de ne point faire. Je ne veux que réformer votre situation autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que de Dieu. C'est en lui que je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. Ô mon peuple, que votre hostilité à mon égard ne vous pousse pas à pécher, de sorte que s'abatte sur vous un châtiment semblable à ceux qui s'abattirent sur les peuples de Noé, de Houd et de Salih. L'exemple du peuple de Lot n'est pas très éloigné de vous. Implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ils dirent, ô Shuhayb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et certes, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'était ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, car tu n'as pas beaucoup de pouvoir contre nous. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Il dit, avez-vous donc plus de considération pour mon clan que pour Dieu? Car vous lui tournez ouvertement le dos. Mon Seigneur embrasse de son savoir tout ce que vous faites. Ô mon peuple, agissez selon vos capacités, moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui s'abattra un châtiment humiliant et qui d'entre nous est menteur. Commencez à attendre la conséquence de vos actes, moi aussi je suis dans l'expectative. Lorsque vint notre ordre, par une grâce, nous sauvâmes Shuhayb et ceux qui croyaient avec lui. Le terrible cri saisit les injustes et le matin les trouva gisants dans leur demeure. Comme s'ils n'avaient jamais prospéré, les Madianes périrent comme avaient péri avant eux les Thamoud. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. En vérité, nous avons envoyé Moïse avec nos signes et une autorité incontestable à Pharaon et ses notables, mais ils suivirent l'ordre de Pharaon en dépit du fait que cet ordre n'avait rien de sensé. Pharaon précédera son peuple au jour de la résurrection et le conduira au feu afin qu'il s'y abreuve. Mais vers quel exécrable endroit ils seront conduits pour s'abreuver? Ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction comme au jour de la résurrection. Quel misérable présent leur sera donné. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Cela fait partie des récits que nous te racontons sur les cités. Certaines sont encore debout, tandis que d'autres sont rasées. Nous ne les avons point lésées, ils se sont plutôt fait du tort à eux-mêmes. Et leurs divinités, qu'ils invoquaient en dehors de Dieu, ne leur servirent à rien lorsque vint l'ordre de ton Seigneur. Elles ne firent qu'accroître leur destruction. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. Tel est le châtiment de ton Seigneur lorsqu'il frappe les cités alors qu'elles sont injustes. Certes, son châtiment est très douloureux et très sévère. Il y a bien là un signe pour ceux qui craignent le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour solennel. Nous ne le retardons que pour un terme déjà fixé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera si ce n'est avec sa permission. Il y aura des damnés, il y aura des heureux. Ceux qui seront damnés seront dans le feu, soupirant et sanglotant. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Quant aux bienheureux, ils seront dans le jardin où ils demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui ne sera jamais interrompu. Ne sois donc pas dans le doute au sujet de ce que ces gens adorent. Ils n'adorent que ce que leurs ancêtres adoraient avant eux. Certes, nous les payerons en totalité, sans rien soustraire. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. Nous avons donné le livre à Moïse, mais des différences s'élevèrent à son sujet. Si ce n'avait été d'un décret préalable de ton Seigneur, leur cas aurait déjà été jugé. Ils sont, à son sujet, plongés dans un doute profond. Très certainement, ton Seigneur donnera à chacun sa pleine rétribution pour ses œuvres. Il sait parfaitement ce qu'ils font. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Demeurez sur le droit chemin, comme il vous est commandé, toi et ceux qui sont revenus à Dieu avec toi. Ne transgressez pas. Certes, il observe ce que vous faites. N'ayez pas de penchant pour les injustes, sinon le feu vous touchera. Vous n'avez point d'alliés en dehors de Dieu, vous ne seriez pas secourus. ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres annulent les mauvaises. C'est un rappel pour ceux qui se souviennent. Sois patient, car certes, Dieu ne laisse jamais se perdre la récompense des bienfaisants. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Si seulement il y avait eu parmi les générations précédentes des gens doués de bon sens, interdisant la corruption sur terre, comme le firent quelques-uns que nous sauvâmes, tandis que les injustes persistaient dans leur quête des richesses, ils étaient des criminels. En vérité, ton Seigneur n'est point tel à détruire tyranniquement des cités dont les habitants cherchent à s'amender. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent de diverger. sauf ceux à qui ton Seigneur accorde sa miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. La parole de ton Seigneur s'accomplira. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Tout ce que nous te relatons, des récits, des messagers, c'est pour raffermir ton cœur. De ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez, nous aussi nous œuvrons. Attendez, nous aussi nous attendons. À Dieu appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Certes, ton Seigneur n'est point inattentif à ce que vous faites.